J'ai pas lâché l'affaire. Zéro fierté, c'est lui que j'aime. Il voudrait changer d'air. J'ai trop donné pour qu'on se perde. Il me dit je lui prends la tête. Que notre couple s'essouffle, manque d'oxygène. Je suis égoïste, c'est vrai. Impossible d'entendre, c'est une autre qu'il aime. Je suis têtu, je sais. J'ai changé, j'essaie. T'es têtu, tu le sais. Je mets en danger, tu le sais. Mon cœur est de la embouteille. Jalousie reste plus forte, mes efforts. Je suis prête à tout donner. Pas qu'elle te prend pour son joujou. Il fait le dur parce qu'avec lui t'es tout douce. On est loin de l'époque où il t'appelait doudou. Il refait sa vie, il a sa nouvelle chouchou. T'es plus son plan A, t'es devenu son plan B. Il veut prendre la route, il te laisse.